Décembre 1651. Le groupe est au complet maintenant. 10 hommes désignés d'office. Nous chargeons seuls l'embarcation. Une chaloupe de taille moyenne, trop petite pour l'équipage que nous formons. Elle me rappelle la barque que mon père utilisait quand nous allions pêcher. À bonne distance, les autres nous observent. Pour eux, nous ne faisons déjà plus partie du groupe. Ils nous ont condamnés. Comme si nous étions maudits, ils se tiennent à l'écart, silencieux. Aucun de mes compagnons ne semble s'en apercevoir. Ou ils font comme moi, semblant de ne rien voir. Personne ne veut passer pour un lâche. Nous préparons notre paquetage sans échanger un mot. Tous ont le regard trop fixe, l'air accaparé. Chacun contrôle ses gestes, se concentre sur sa tâche pour ne pas fléchir. Les traits sont figés, il fait froid, mais les visages sont couverts de sueur. Ces quelques mois passés à Québec m'ont épuisé. Si je reste ici, c'est l'ennui qui aura raison de moi. Le vent glacé s'infiltre partout. Je n'ai jamais eu aussi froid. Mais on peut toujours se protéger du froid. Contre cette odeur, on ne peut rien. Cette odeur de peau, de castor mort, de sang séché. Je quitte cet endroit sans regret. Et une fois de plus, ce départ précipité ressemble à une fuite. J'ai 20 ans et j'ai passé la première partie de ma vie à chercher un sens à tout ça. À chercher un but. Là-bas, peut-être. Je ne suis pas devenu soldat pour me battre, mais dans l'espoir qu'en parcourant le monde, je trouve enfin un endroit où je puisse m'arrêter. Comment font-ils pour tenir là-bas? Je n'ai pas le droit de fléchir. Quand le dimanche, pressé de retrouver mon père, je sortais de l'église en courant, j'entendais derrière moi résonner les paroles du curé. « Tu peux courir, le destin toujours te rattrapera. » Je ne sais pas si c'était le passage d'un psaume destiné à me faire peur. Il est un peu tard pour lui demander. Aujourd'hui, je n'ai plus de raison de courir. Mon père est loin, et il est certain qu'il ne me reverra pas. J'aimais bien ce curé. S'il était là, j'arrêterais ma course et je prendrais le temps de lui dire que sa formule est incomplète. Le destin, il court plus vite que toi. Tu crois que tu le fuis, mais c'est vers lui que tu vas.